Certains même dont me détestent, mais au fond combien me connaissent réellement, combien même vraiment, combien seront présents à mon enterrement, à ma mort, combien se réjouiront sincèrement. Je me demande combien vont pleurer mon absence, me regretter jusqu'à en perdre leur propre présence. Combien cacheront mes défauts, mes secrets, combien m'auront aimé en secret, combien viendront visiter ma famille quand elle sera ébranlée, amputée, fragile. Combien porteront conseil à ma petite sœur avec sincérité, vertu et douceur. Combien le rappelleront à quel point je l'aimais. Combien écriront à quel point je peinais. Seigneur, tant ce monde me blesse, j'y suis comme un étranger, j'attends que la vie me laisse. J'ai sûrement quitté ce monde comme j'y suis venu seul. Je vais certainement mourir comme j'ai vécu seul. Mes paroles sont dures comme ma vie, sans amour, vide comme un corps sans vie. Comme le soleil illuminant mes jours, la nuit troublant mon sommeil. Alors j'espérais pouvoir changer sans retenue, sans me sentir en danger. Pourquoi n'était-ce qu'un mirage, un vent de bonheur précédant l'ouragan de rage. C'est fou comment on peut se tromper. C'est fou comment on peut se tromper. Une même phrase bord de sens différents que chacun peut interpréter selon son expérience. L'amour une plante que je n'arrive plus à semer. Je me suis perdu au jardin des désabusés. Combien m'ont côtoyé mais m'ont pas connu. Pour combien d'entre elles resterai-je un inconnu. Combien m'ont écouté mais ne m'ont pas compris. Combien m'ont donné de l'espoir mais me l'ont repris. Combien de cœurs j'ai brisé, combien j'en ai déçu. Combien de cœurs j'ai gagné, presque autant que j'en ai perdu. Le monde m'a volé ma confiance, ôté du berceau de l'insouciance. Sans la confiance, retrouvez-moi au jardin des désabusés. Il y a quand même des gens qui nous aiment réellement, vraiment. Je te dis ce morceau à ma petite sœur Cassandra, à mon petit frère Kevin et à ma mère. Quand je serai KO comme Alain Souchon, descendu des plateaux, trop haut, et qu'il ne restera que mes chansons. Combien seront encore à mes côtés.